La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Bonjour Sébastien, donc tu es avec nous dans La Malle de Sinbad et on va retrouver notre personnage favori, Sinbad, un riche marchand, pour faire un petit récapitulatif de ces 8 voyages qui sont passés dans La Malle de Sinbad que tu nous as raconté depuis le mois de septembre. Alors est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce personnage ? Oui, bah effectivement, donc bonjour Manon, on se retrouve donc avec Sinbad et pour peut-être faire un retour en quittant un petit peu les événements, en essayant de voir un petit peu comment eh bien ce récit, ce cycle en fait de 7 voyages peut nous apprendre des choses, non plus du point de vue du récit, mais beaucoup plus des leçons qu'il donne. Se proposait de faire, effectivement, c'était de revenir sur Sinbad et peut-être de commencer tout simplement avec le premier voyage. On peut faire voyage par voyage et le premier voyage, justement, il s'appelle Sortir du monde. Exactement. Découverte des monstres. Dans le premier voyage, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, Sinbad va apprendre à quitter eh bien, son chez-soi. Et cela va se faire par le truchement de monstres. Hein. On a des monstres marins, notamment. Alors là, quand il se retrouve effectivement sur cette île qui n'est pas une île, qui est une baleine à la vérité, on ne peut pas ne pas penser au Léviathan, donc à ces monstres finalement liés à des cataclysmes. On a le Léviathan pour la mer, le Behemoth pour la terre. Et effectivement, c'est à travers ces monstres qui ont donc finalement une fonction un peu ambivalente puisqu'ils le mettent en difficulté, mais en même temps, grâce à eux, il va pouvoir justement eh bien, se dépasser et sortir de son entre-soi, de son monde finalement bien commode et connaître eh bien, peut-être une première Robinsonade. Et le voilà donc à la découverte de ce qu'est une île finalement. Alors pourquoi avoir utilisé un monstre marin d'après toi ? Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire ? Oui, alors la mer effectivement est extrêmement intéressante puisque à chaque fois, eh bien, il va réchapper au naufrage en s'échouant sur des îles, et donc il y a déjà des Robinson dans l'histoire de la littérature arabe. Il suffit de penser à un personnage assez intéressant qui s'appelle Hay ibn Yaqdhan, donc le fils de l'éveillé, et qui est donc un récit d'Ibn Tufayl, donc un grand littérateur, grand philosophe également, et bien de l'époque almohade, donc du 12e siècle chrétien. Et c'est intéressant parce que ce personnage de Hay ibn Yaqdhan va être élevé par une gazelle sur une île déserte et au milieu donc de l'océan Indien, et à travers eh bien le parcours de ce fameux vivant, de ce Hay, il va y avoir la découverte eh bien du tout le processus qui amène un être humain à acquérir effectivement une conscience et une conscience critique. Et donc effectivement l'île, c'est déjà un lieu un petit peu expérimental, un peu comme un laboratoire de vie. Alors on avait dit, c'est vrai que Sinbad, il n'est pas un Robinson dans le sens où il ne cherche pas à recréer la civilisation, ça c'est important, il ne va pas chercher à s'établir, il ne va pas chercher par exemple à cultiver, ni à élever du bétail, il ne va pas chercher forcément non plus à s'installer en dur, donc à construire des palissades et à donc fortifier quelque part son habitat. Il cherche à chaque fois à quitter l'île, donc l'île c'est vraiment un lieu de passage, c'est pas du tout un lieu où il est censé s'établir durablement. Et à chaque fois, eh bien, on a une épreuve. Hein. On a une épreuve qui s'offre à lui. Et pour revenir à l'idée de la mer, eh bien, la mer, il faut savoir évidemment que c'est un petit peu comme le désert, finalement. C'est le pendant liquide du désert. Donc, c'est effectivement une traversée. C'est une traversée. On dit en arabe, par exemple, que quelqu'un qui est un grand savant, donc qui est un puits de science, eh bien, qu'il va être un bahr, qu'il va être une mer. Et quand on se plonge dans l'étude, eh bien, on utilisera un verbe, tabahara, qui est effectivement littéralement s'immerger, se laisser effectivement complètement sombrer pour, eh bien, en recueillir du savoir et de l'expérience. Hein. Donc, quelque part, être mûr, eh bien, c'est être un marin, effectivement. C'est tout à fait ça. Prendre la mer, prendre un bateau, c'est peut-être aller vers l'inconnu, c'est voyager. Est-ce que tu penses que l'auteur a voulu soumettre Sinbad à une épreuve qui va lui apporter une réflexion sur lui-même ? Oui, ça c'est certain. C'est certain, cette idée de l'épreuve, on la retrouve aussi dans un autre personnage, qui est un personnage finalement assez familier des monothéismes, qui est le personnage de Younous, donc de Jonas, alors qu'on connaît par la Bible, et on a une histoire équivalente dans le Coran, hein, c'est l'homme à la baleine, donc Sahib al-Hout, c'est donc l'homme au poisson, the Noon, et c'est une figure intéressante, ce Jonas, puisque c'est une figure, eh bien, qui va être confrontée, qui va être mise à l'épreuve, donc ici, par Dieu, et qui va être mise à l'épreuve en devant séjourner pendant un certain temps dans le ventre d'une baleine, dans le ventre d'un et bien effectivement d'un monstre marin. Alors là, c'est vrai que Sinbad ne va pas se retrouver dans un ventre à l'instar de Jonas, mais on ne peut pas, en tant que lecteur arabophone et que lecteur ici musulman, on ne peut pas ne pas avoir cette musique, cet écho du personnage de Jonas. Et l'idée, effectivement, c'est que pour progresser, il faut savoir sortir de son monde. Ça, c'est absolument fondamental. Si on continue le voyage avec Sinbad, on arrive à un deuxième naufrage qui s'appelle « Les limites du monde ». Tout à fait, tout à fait. On était parti sur nos monstres de tout à l'heure. Alors si on fait un petit récapitulatif des monstres que l'on va rencontrer, on a un cheval marin, donc effectivement on est avec l'élément eau. On a le roch, le roc, qui lui est au contraire un animal aérien. On a des serpents à plusieurs reprises, donc là on est vraiment dans l'élément de la terre, hein, les monstres chthoniens. Donc on voit à chaque fois que les monstres qui vont parsemer finalement les aventures de Sinbad, eh bien ces monstres sont également liés à des éléments, comme s'il fallait pour mûrir, eh bien rencontrer les différents éléments qui façonnent quelque part le monde. Et à chaque fois il doit apprendre à les dompter finalement. L'histoire de Roch, il le dompte d'une certaine manière, il le dompte de manière évidemment un petit peu en trichant quelque peu, puisqu'il se cache, mais il n'empêche, il apprend à s'en servir. Et ça, c'est extrêmement important. Ces monstres, en plus de ça, ils ont comme particularité d'être liés, finalement, à la notion de merveille. Ça, c'est assez fondamental. On essaie de sortir du monde, on sort du monde, on arrive donc aux limites du monde. Et la merveille joue un rôle déterminant. En arabe, le mot pour merveille, c'est ajib. Une ajib, c'est une merveille. Et évidemment, où rencontre-t-on des merveilles ? On rencontre des merveilles, par exemple, dans les ouvrages de géographie médiévale, eh bien, quand on est aux confins du monde, aux limites du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez significatif. Et finalement, la merveille et la frontière, en tout cas la frontière du connu, sont assez indissociables. On peut peut-être donner deux exemples dans cet ordre d'idées. Si on est, on va dire, en regardant le levant, donc en regardant finalement l'endroit où le soleil, donc où la vie va se lever, on a dans l'imaginaire la muraille de Gog et Magog. Alors cette muraille a une très longue histoire et il faudrait certainement beaucoup plus de temps pour la développer. Mais tant dans le Coran que dans des textes qui ont précédé le Coran, que dans des textes qui sont des expansions du Coran, on trouve cette muraille de Gog et Magog qui a été, nous dit-on, bâtie par un bicornu qu'on glose en général comme étant Alexandre le Conquérant. Complètement donc à l'extrémité orientale, on le trouve dans des cartes de géographie d'ailleurs, donc du monde connu, Et cette muraille est absolument infranchissable. Elle est faite de fer, de cuivre, donc des éléments qui ont des connotations martiales, magiques. Et elle a été forgée pour empêcher des hordes barbares, que sont les peuples de Gog et Magog, de déferler sur la civilisation. Donc pour donner naissance, si on veut, à la vie, eh bien il y a besoin aussi de bâtir, il y a besoin de poser donc des merveilles. Ici, il s'agit un peu d'une des merveilles du monde. Mais on a besoin de les poser. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que la vie, elle se fait aussi contre. Elle se fait contre, eh bien, contre des éléments ou contre des ennemis aussi. On a le pendant extrême, si on est en Occident cette fois-ci, donc à l'endroit où le soleil va se coucher, où la vie va nous quitter, eh bien, on a au contraire un autre type de merveille que sont des cités de cuivre. En général, en arabe, on trouve ça sous le terme de Madinat al-Nuhas, donc la ville de cuivre. Et là, c'est assez différent. On les trouve souvent, par exemple, dans les déserts du Maghreb. Ça émaille beaucoup de récits, notamment de conquêtes ou de récits géographiques. Et là, ces villes de cuivre, elles sont exactement finalement l'aboutissement de la vie, puisqu'en général, elles sont des villes qui regorgent de richesses extraordinaires et où les habitants, en fait, se sont arrêtés de vivre. Ils sont totalement suspendus, prêts à tomber en poussière. Et c'est ça qui est complètement, finalement, qui marque la limite, c'est la limite de la vie. Et ici, elles ne sont maintenues que par l'effet de la magie, une sorcellerie, on a envie de dire. Et tous ceux qui essaient de s'y aventurer, parce qu'il y en a d'innombrables, parce qu'il y a des trésors à conquérir, donc évidemment, ça tente les aventuriers, eh bien, tous ceux-là vont sombrer dans la folie. Ils perdront totalement leur repère et ils deviendront fous. Et quelque part, donc, effectivement, là encore, on a une limite. On va passer au troisième voyage de Sinbad qui s'appelle « Vivre, c'est absorber ». Oui, effectivement, on quitte donc la question des limites pour effectivement rentrer concrètement dans la chair finalement de Sinbad. Alors on avait vu ces histoires effectivement d'anthropophagie avec des échos bien entendu, avec les histoires des cyclopes, de l'Odyssée. Et manger, c'est une fonction absolument fondamentale, fondamentale biologiquement mais aussi fondamentale socialement. On se rappellera au tout début, finalement, comment commence le cycle de Sinbad ? Il commence parce qu'il y a un personnage double de Sinbad. Il y a un personnage qui va être là pour le mettre en mouvement, c'est Hindbad. D'ailleurs, dans un certain nombre de manuscrits, il y a deux Sinbad. Il y a le Sinbad de la terre, le Sinbad portefeuille, le porteur malheureux, et il y a le Sinbad de la mer, Sinbad el-Bahri. Et là, dans le manuscrit que l'on a retenu, eh bien, la traduction en tout cas que l'on a retenu, il y a deux personnages mais qui sont des doubles. On a Hindbad et Sinbad. Et il y a besoin et de Hindbad et de Sinbad pour qu'il y ait le cycle, c'est-à-dire pour qu'il y ait un récit, on reviendra dessus plus tard. Et la notion même de manger, eh bien, elle est articulée à la question du banquet. Sans banquet, il n'y a pas de sociabilité. C'est un endroit qui est un endroit socialement particulier où des hommes de conditions égales, ou en tout cas où la condition va, l'espace du banquet s'égaliser, eh bien, dans cet espace-là, il va y avoir effectivement une étiquette, il va y avoir une distinction qui va se mettre en place. Une petite remarque, en arabe, le terme de l'étiquette, le terme de l'éducation, ou ce qui façonne l'honnête homme, c'est le mot qu'on appelle « adab ». Et on a pu lire dans un certain nombre de notices encyclopédiques que ce terme était à rapprocher d'un autre terme qui est le mot « dab », qui lui nous renvoie à l'idée du banquet, du festin. Et donc, quand on est un homme social, on a forcément à également adopter des codes. Et ces codes, ils vont se retrouver autour du banquet. On a de la même manière, chez les Grecs, la notion des agapes, c'est-à-dire en fait un repas qui va souder la communauté. On mange pour être ensemble, et pas simplement pour s'alimenter. On va manger différemment quand on est ensemble. Évidemment, pas de goinfrerie. Évidemment, l'objet n'est pas d'être rassasié. L'objet, c'est véritablement de pouvoir partager. Exactement. Ça, c'est absolument fondamental. Et Sinbad, quand il se retrouve confronté à ces cas d'anthropophagie, évidemment, les codes du banquet sont complètement modifiés. L'anthropophagie, on peut même dire que c'est le contraire du repas. C'est un anti-repas. Effectivement, là, c'est assez, c'est encore une limite intéressante. Dans ces moments d'anthropophagie, on va manger du même, on va manger de la chair. Alors effectivement, là, il s'agit de prisonniers. Sinbad et ses camarades se font capturer, donc ce sont des étrangers qui vont être dévorés. Cela peuvent être également des ennemis qui peuvent se retrouver, une fois que le combat a été perdu, et bien là encore, dévorer, c'est une manière quelque part de s'approprier la force ou une certaine force de l'ennemi. Mais on a aussi des cas d'anthropophagie parfaitement attestés où on va manger ses ancêtres. Donc on va partager ensemble effectivement un moment où on va se rattacher donc à une lignée, à un clan, et le repas cette fois-ci ne consistera pas à dévorer un élément extérieur, mais au contraire à l'absorber. À l'absorber. Et ça c'est absolument fondamental. Et alors c'est vrai qu'ensuite on a des situations un petit peu assez intrigantes quand on pense par exemple à l'Eucharistie, à la communion, le fait que l'on mange du pain avec comme symbole la chair, ou bien que l'on boit du vin avec le symbole du sang. Évidemment, on est dans des situations, là encore, qui ont amené une abondante littérature à s'interroger sur les origines, finalement, de ces rituels ici chrétiens. Tout est une histoire de moralité, de civilisation, puisque tu le disais tout à l'heure, des fois pour certaines contrées ça va être un rituel tout à fait acceptable, et pour d'autres c'est complètement une nourriture qui est illégale. Exactement, et quelque part on a ce fameux tabou, ce repas primordial. Alors là, Freud en avait déjà parlé dans Totem et Tabou, donc le fait effectivement d'avoir un ancêtre commun qui aurait été tué, ou en tout cas dans lequel le meurtre joue un rôle finalement primordial pour souder la communauté, et le fait de se remémorer ce drame fondateur à travers un rituel, donc notamment ici un rituel de consommation de chair. Alors, oui. Justement, tu parles de tuer. Tuer pour survivre, c'est le nom du quatrième voyage. Donc, on peut faire un point dessus. Là, on arrive effectivement, je vous rappelle, on a donc 7 voyages et le quatrième, on est au cœur finalement. On a progressé de voyage en voyage, il y a donc les limites qui sont repoussées avec un certain nombre d'expériences effectivement qui vont désorienter, qui vont en tout cas déboussoler Sinbad. Et dans le quatrième voyage, c'est eh bien la rencontre avec la mort, une rencontre absolument fondamentale avec la mort. Rapidement, pour rappel, effectivement, Sinbad a épousé donc dans une île où il est arrivé à épouser donc une des indigènes, se retrouve donc par ce jeu d'alliance pris dans les coutumes locales. Une des coutumes veut que quand l'époux ou l'épouse décède, eh bien le conjoint ou la conjointe ne peut pas lui survivre. Et donc va l'accompagner jusque dans le tombeau. Et effectivement, c'est ce qui arrive à Sinbad, qui va donc être confronté avec une épreuve absolument terrible, qui est celle de la mort. Et le voilà donc enseveli dans un tombeau, et il va se retrouver finalement dans une situation un petit peu de l'homme qui est dans ce cabinet de réflexion qui sert à l'initiation. On retrouve ces rites chez les francs-maçons, mais pas seulement. Il s'agit donc ici d'une pratique de l'isolement où l'individu fait le point, fait un bilan finalement sur sa vie, puisqu'il va la quitter, en tout cas sa première vie. Il va quitter sa première vie grâce donc à ce cabinet de réflexion qui est là pour lui signifier effectivement qu'il doit commencer, tourner une nouvelle page, commencer une nouvelle vie. Et la mort ici, effectivement, elle est à prendre comme un passage vers une nouvelle situation, une nouvelle enveloppe, si on veut dire. Pas simplement charnelle, mais évidemment spirituelle. Alors quand même, on se rappelle aussi que Sinbad, pour survivre, il a donc des rations pour une semaine. Quand ces rations viennent à être épuisées, il va tuer une personne qui descend, hein, et il va renouveler cet acte régulièrement en leur prenant tout simplement leur nourriture. Hein. Il les estourbille et il leur prend leur nourriture de manière, lui, à pouvoir survivre. Donc pour continuer effectivement à exister, eh bien il prend la vie d'autres individus. Donc on est quand même effectivement moralement à la limite pour la civilisation. Complètement. En tout cas, il est certain que l'auditoire, ou en tout cas les lecteurs, eh bien de ce cycle de Sinbad, hein, je rappelle d'ailleurs que le cycle de Sinbad au départ est autonome. Il a une existence totalement indépendante et c'est plus tard, notamment du fait des traductions d'Antoine Galland, qui va être intégré dans le cycle des Mille et une Nuits. Mais au départ, c'est totalement autonome et on se retrouve donc au cœur de ce quatrième voyage avec Sinbad qui se comporte finalement comme un charognard. Il se comporte comme un charognard puisqu'il doit donc tuer pour survivre. Il va suivre, sans le savoir, un autre charognard, cette fois-ci un animal, qui venait s'alimenter donc dans cette nécropole. Et c'est en suivant le charognard qu'il va pouvoir ressortir à l'air libre et donc revivre. Donc un peu comme un labyrinthe, là encore initiatique. Et dans cette quête, ce qui est quand même là encore, ce qui interroge le lecteur d'aujourd'hui et sans doute le lecteur, on va dire, de la période classique, c'est qu'il ne ressort pas les mains vides. Il ne se contente pas de se sauver, il revient, il dépouille l'ensemble, enfin en tout cas il prend le plus de richesses possible de ses morts et il va repartir avec. Donc il s'enrichit quand même en étant finalement un vulgaire pillard, voilà. Ça, c'est également quelque chose qui ne manque pas d'interroger. Et ce qui permet quand même d'introduire, je pense, quelque chose de très intéressant dans le personnage de Sinbad, c'est une ambivalence dans sa réception. Il ne s'agit pas simplement d'un héros, c'est-à-dire finalement d'un personnage qui serait le riche marchand qui triomphe et qui justifie tout simplement sa condition. Il y a aussi une dimension tout à fait contestable, puisque tout est bon pour devenir riche. Exactement. Et là, on a limite la récompense du fait d'avoir tué pour survivre. Donc, tuer pour survivre, on peut le comprendre. Mais le fait d'avoir une récompense à ça, on n'est plus dans le bon est récompensé, le mal est puni. Exactement. Exactement. Et ça, c'est ce qui nous amènera sur, les réflexions du cinquième voyage. Eh ben, écoute, merci Sébastien. On va faire une pause pour cet épisode-là. Et puis, on se retrouvera pour un deuxième épisode où on parlera des trois autres voyages qui restent. Oh, mais...